parle aujourd'hui de l'Indonesia Masters, le Super 500 qui va précéder un Super 1000 en Indonésie. Grosse ambiance et surtout grosse performance des Français. Jikel Delrue, on a hâte de vous parler de tout ça. C'est dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Salut Benoît, comment ça va? Salut Ewan, bonjour à tous, bah écoute, très très bien et toi? Bah ça va très bien, ça fait super plaisir de débriefer ce genre de tournoi après une petite pause. Benoît, j'ai deux réflexions là qui me viennent avant qu'on parle des matchs en général. Un Super 500 mais qui en a un peu que le nom parce que même si les tableaux seront plus relevés la semaine prochaine pour le Super 1000, le niveau était assez dingue. Et de deux, l'ambiance, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver l'Indonésie. On avait eu une tournée à Bali où il y avait une jauge de spectateurs, il me semble, réduite. Mais là, on est de retour dans la ville du Bad à Jakarta et qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre un public comme ça qui est... On le dit souvent que c'est le meilleur du monde pour le Bad, mais là on voit avec ce genre de tournoi que c'est complètement vrai. Ouais, c'est, je suis même pas sûr qu'il y ait un débat sur le fait qu'ils soient le meilleur ou les meilleurs ou pas. Genre, on a vu cette semaine que franchement ils sont incroyables. Et oui, c'est un Super 500, mais t'as l'ambiance de JO, de championnat du monde ou d'un Super 1000, quoi. C'est clair que c'est assez ouf et franchement on s'est régalé. Ouais, c'était incroyable. Moi, je me faisais la réflexion parce qu'on va en parler tout de suite des Français Jikel Delrue qui ont pas joué de paire indonésienne ou de paire peut-être chouchou du public, mais quand tu te dis que l'ambiance qu'il y avait sur les matchs des Français, alors que c'est une paire qui est peut-être pas ultra connue en Asie ou en Indonésie, même s'ils sont quasiment dans le top 10 mondial. Et quand tu vois l'ambiance qu'il y avait pour eux, tu te dis que c'est vraiment la folie. Et je te parle même pas quand il y avait des Indonésiens, Gideon Sukamulyo, là c'était un chaudron, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'ils ont aussi un peu pris de galon, j'ai envie de dire, au niveau du public, en battant les numéros mondiaux. On va reparler de ça, mais je pense que ça... Disons que leur semaine a contribué aussi au fait qu'ils soient supportés, par les Indonésiens. Complètement. On va en parler de leur semaine et on va commencer par le début, tiens. On va commencer donc de parler de Tom Jikel et Delphine Delrue, qui n'étaient pas tête de série puisqu'ils sont 11e mondiaux et qu'il y avait pas mal de monde devant. Et du coup, dès le début, ils avaient pris le pire tirage possible, tout simplement. Bah oui. En prenant les numéros 1 mondiaux pour avoir Poavaranokro, Taira Tanachai, donc qui avaient fait les Thaïlandais une petite pause. Après leurs différents exploits où ils avaient fait une série de victoires, ils étaient revenus en Thaïlande chez eux où ils avaient perdu contre Zheng Wang en finale. Et là, les Français les ont battus dès le premier tour en 2-7 en plus, 21-19, 21-16. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ce match où Poavaranokro et Taira Tanachai, c'est une des paires, je pense, peut-être avec Zheng Wang les plus rapides sur le terrain du circuit. Et là, on a l'impression que c'est les Français qui volaient sur le court. C'était impressionnant comment ils ont pris à leur propre jeu, j'ai trouvé. Ouais, c'est un peu ça. J'étais assez surpris justement de cette tactique et de la façon dont ça s'est passé. Après, disons les choses, autant Tom Jikel et Delphine Delrue ont été bons, ont bien préparé leur coup et l'ont parfaitement mené, tout simplement. Autant les Thaïlandais... ont été quand même globalement très moyens, enfin avec le niveau qu'on leur a vu ces derniers mois, faut dire ce qu'on a vu là, c'est pas leur niveau réel. Alors oui, ça arrive à tout le monde, mais c'est tant mieux que ça arrive ce jour-là pour Tom Jikel et Delphine Delrue. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même avec une paire thaïlandaise pas forcément à son meilleur niveau, les deux paires se sont jouées au JO et même beaucoup plus récemment en Lingland et il n'y a pas eu débat, quoi. Donc je pensais que, tu vois, pour moi Tom et Delphine, ils sont capables de battre des paires du top mondial, mais je pensais que, et au-delà de leur classement, je pensais que les Thaïlandais plutôt au niveau du style de jeu n'en faisaient pas partie, et pourtant ils l'ont fait. Ils les avaient déjà battus dans la même compétition il y a 2 ans en 2-7 aussi. Donc ça fait très plaisir, ça fait 4-2 maintenant pour les Thaïlandais aux confrontations. Et là, Benoît, on s'est dit, quand on a vu après le tableau qui arrivait, on s'est dit, maintenant que t'as fait ça, il y a peut-être un truc à faire là. Non, la vérité, c'est qu'on s'est dit, maintenant que t'as fait ça, t'as pas le droit de perdre contre Christian Saint-Boyeux. C'est vrai, et c'est passé pourtant très très près d'arriver, puisque il joue les Danois Christian Saint-Boyeux au deuxième tour, et on le sait, c'est toujours un peu pareil avec Tom et Delphine, ils ont globalement... pas mal de mal à battre des bonnes paires européennes, alors par rapport à leur réussite contre les bonnes paires asiatiques, et on l'a vu au premier tour d'ailleurs. Et là, on est parti sur un match un match assez fou. Victoire finalement des Français. 22-24, 21-19, 22-20. Et les Français qui reviennent de loin parce que ils ont eu un volant pour... ils ont sauvé des volants de 7 dans le premier. Ils ont même eu un volant de 7, finalement, ils ne le prennent pas. Dans le deuxième, ils dominent globalement, mais ils galèrent à finir. Ils sont à 20-16 et finalement, ils gagnent 21-19 du coup. Et par contre, dans le deuxième, la grosse remontée, ils étaient menés 15-9. Ils sauvent un volant de match et finalement, ils s'imposent 22-20. Là, au-delà de leur qualité athlétique et technique qu'on a vu au premier match, c'est le mental qui a fait la différence et les Français ont montré qu'ils étaient très très très costauds. Ouais, c'est clairement ça qui a fait la différence parce que c'est un match où ils étaient pas bien embarqués, tu viens de le dire. Tom Jikal a été pas mal mis en danger. Moi, je trouve, en fait, le fait qu'il soit très offensif sur l'avant du court, Mathias Christiansen s'en est très très bien servi pour le faire reculer, le mettre en danger. Et franchement, sur ce troisième, je voyais difficilement comment il pouvait s'en sortir. C'est clairement passé par la tête, hein. Il n'y a pas de secret là-dessus. On a eu peur très longtemps en fait, on s'est dit ah t'as pas battu les numéros 1 mondiaux pour tomber contre Christiansen Boyeux. Alors oui, il y a que 4 places d'écart au ranking, mais c'est vrai que après une telle perf, tu t'attends forcément à ce que derrière ça déroule un tout petit peu quoi, et ça a été plus compliqué que prévu, mais une victoire très très importante quand même. Ouais, et on va parler du reste du parcours après, Benoît, mais j'ai l'impression que combien de fois on a vu des Français dans les, je sais pas, 4-5 dernières années faire un exploit au premier tour et derrière perdre contre des pairs qu'ils doivent battre ou de leur niveau ou beaucoup moins fort que ce qu'ils ont battu avant. Tu l'as dit, ils devaient les battre Christiansen Boyeux, mais ça n'a pas toujours été le cas et ça fait plaisir. Enfin, une paire française qui fait le bon match d'après, quoi, parce que finalement, c'est un des plus durs. Oui, c'est vrai, et en même temps, ce que tu dis aussi, c'est que ces joueurs-là qui ont fait des exploits, on pense notamment à Brice Leverdez par exemple face à un Li Chongwei, mais il y en a eu d'autres, c'est des joueurs qui finalement étaient au-delà du top 20 mondial. Aujourd'hui, Tom Jikal, Delphine Delru, on parle d'une paire qui rivalise avec les paires du top 10 mondial, voire top 5, et qui y est, donc c'est un statut un peu différent, et on n'a pas eu tout court de joueurs de ce niveau-là non plus, donc... C'est vrai que c'est quelque chose qui, chez eux, à laquelle on doit s'habituer finalement. Il y a l'exploit, oui, mais derrière, c'est une paire qui est capable de faire ça, on le sait maintenant. Ouais, et moi, j'avais beaucoup de mal à voir comment ils pouvaient battre Tang Tse, les Hongkongais qui reviennent un peu à la compète aussi. Et je sais pas, je sentais vraiment pas. Les Tang Tse qui avaient fait une grosse fin d'année 2021 et là pourtant ils ont pas vu le jour face aux Français, victoire de Jikal Delru encore 21-15, 21-10. Là, au-delà du fait que les Français gagnent, c'est cette domination qu'ils ont imposée. Ils ont marqué une belle série de points dans le premier set, ils sont menés 9-7 et finalement ils mettent 5-6 points d'affilée pour finalement mener 13-9. Et à partir de ce moment-là, Tang Tse n'ont plus existé. Et là aussi, les Français ont été forts mentalement parce qu'ils ont su repartir tambour battant dès le début du deuxième. Et il y a des moments où ils ont forcément se dire « Wow, attention, là, on n'est pas loin de se retrouver en demi d'un Super 500 ». Et pourtant, ils ont continué à être ultra costauds et à garder ce qui avait bien fonctionné depuis le début du match. Donc, victoire ultra convaincante de Jikal Delru. C'est drôle que tu dises ça parce que sur les réseaux sociaux, Rémi, si tu passes par là, il se reconnaîtra. Il m'a dit la même chose que toi. Je vois pas comment Jikal Delru va battre Tang Tse. Et moi, j'étais en mode, ah, Jikal Delru, tu vois, c'est une paire que je vois bien mettre une... Pas une tôle, mais c'est une paire que je vois facile contre Tang Tse. C'est pas pour me vanter, ça m'arrive très souvent que j'ai raison, mais finalement, ça s'est quand même vérifié. Ils ont été tellement dominateurs sur ce match. Franchement, il y a vraiment eu aucun débat pour le coup. Hein. Complètement. Donc là, chaque matin heure française, on était habitué aux petits exploits de Jikal Delru. Et en plus, Benoît, ils avaient l'avantage en demi, l'avantage qu'ils se sont un peu créé eux-mêmes aussi, hein, mais d'affronter Janko Paesampran, qui eux aussi recommencent à jouer ensemble après une petite pause et qui était prenable pour une demi de Super 500. Et les Français n'ont pas laissé passer leur chance, une victoire encore sans perdre de 7, et ça il faut le noter, 22-20, 21-12, un premier set très accroché, où les Français ont remené tout le temps, Mais se seront quand même fait peur, hein, puisque à un moment, ils menaient 9-4 au début. Finalement, après, ils ont toujours eu un ou deux points d'écart parce que les Thaïlandais sont revenus. Et à la fin du set, quand les Français ont recreusé un petit écart et ont eu 4 volants de set pour mener 20-16, ils les ont pas concrétisés. Les Thaïlandais reviennent à 20-20. Et là encore, mental d'acier côté Tom et Delphine qui gagnent finalement 22-20. Et le deuxième set a été beaucoup plus facile pour eux. Ils se sont rendus faciles en menant tout le temps face à des Thaïlandais qui, je pense, avaient un peu laissé passer leur chance. Bah Benoît, là, c'est vraiment le match piège qui aurait fait vraiment mal, hein, perdre en finale contre une paire où t'as 15 places d'écart au ranking, peut-être un peu moins. Ça aurait été frustrant que ça se termine comme ça. Frustrant, mais non plus pas illogique, parce que Jomkopa et Sampran, c'est des très bons joueurs. Mais les Français se sont donné le droit d'aller disputer une finale, leur première finale de Super 500. Ouais, c'est ça, l'année dernière, ils s'étaient arrêtés en demi-finale, si je dis pas de bêtises, cette année ils vont jusqu'en finale. C'est assez logique sur leur semaine et encore plus sur ce match où là, pour le coup, ils étaient favoris et il y a vraiment eu, je dirais pas une classe d'écart, ce serait un peu abusé, mais voilà, ils ont vraiment assumé leur statut et ils ont profité aussi de cette partie de tableau, tu l'as bien dit. Oui, ils se le sont créés, mais il y a quand même eu un tirage relativement clément, on va dire. Effectivement, ils vont en finale, c'est leur première finale de Super 500, première finale de Super 500 pour un Français ou des Français tout court, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'ils font là, c'est du jamais vu et ils commencent à vraiment passer un palier. En finale, on va parler après du reste du tableau, hein, évidemment, mais ils affrontaient les Chinois Zheng Wang. Et pour le coup, Benoît, il n'y a pas eu grand-chose à faire pour J.K.L. Delru, comme à peu près toutes les autres paires du tableau, et même toutes les paires de mixtes depuis qu'ils sont revenus ensemble, Zheng Wang. Un premier set très accroché jusqu'à 13 partout, et là, les Français qui prennent une terrible série de 8 points consécutifs pour perdre 21-13, et après... ils n'auront jamais réussi à vraiment être coude à coude dans le deuxième où ils perdent 21-14. C'est dommage, hein, ce trou d'air et cette accélération chinoise de la fin du premier, parce que on avait l'impression que à défaut de faire jeu égal, les Français étaient vraiment dans le match dans le premier set. Ouais, ils ont même mené 11-10 à la pause. Voilà, c'est un peu frustrant, mais en même temps. Après, 11-10 à la pause, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. J'ai un peu l'impression que le soufflet était retombé du côté de Tom J.K. et Delphine Delru. Un peu comme une décompression, hein. Ils font une énorme semaine, voilà. Et en même temps, Zheng Wang en face, les Zheng Wang des dernières semaines, on les a retrouvés. Enfin, il faut dire les choses, plus personne n'est capable de les battre sur le circuit, clairement. On a un peu retrouvé cette paire-là à partir de la moitié du premier set. Et franchement, il y a cette paire-là, il n'y a pas grand-chose à faire quand elle joue comme ça, clairement. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Ce match, c'est leur 15e victoire consécutive à Zheng Wang. Et on voit pourquoi, hein, depuis que là, ils sont revenus ensemble. Ils sont redevenus là, un peu comme par magie, la machine qu'ils étaient avant d'être séparés, peut-être même avant les JO, parce que depuis les JO de Tokyo, ils avaient plus de mal. Et c'est clairement pas... honteux pour les Français de perdre comme ça. C'est la manière qui est dommage, parce que quand tu perds 21-13 alors que t'étais à 13-13, c'est frustrant, mais le score, rien d'illogique. Et juste pour l'anecdote, Zheng Wang ne vont prendre aucun point sur ce tournoi, parce que 9200 points, c'est 1000 points en dessous de leur score minimum dans le ranking BWF. Voilà. Ouais, donc venir sur un Super 500, c'est même pas rentable pour eux. Non, c'est rentable peut-être financièrement et en termes de temps de jeu, mais en termes de points, ils savent que même s'ils le gagnent, après t'as des points à défendre des années d'avant et tout, mais oui, disons que quand ils viennent sur un Super 500, ils savent que en termes de points minimum, ça rentre pas dans leur quota. Et ben voilà. Du coup, deuxième finale de l'année pour Tom J.K.L. et Delphine Delru après les championnats d'Europe, celle-là aussi est perdue, mais je pense que pour le coup là. Contrairement au championnat d'Europe où la défaite en finale était frustrante, là, Benoît, on regarde plus le parcours et on se dit qu'ils nous ont fait vibrer toute la semaine. Ils ont sorti exploit sur exploit, ils ont battu les numéros 1 mondiaux. Et ouais, ce qu'ils ont fait, c'est assez exceptionnel. Et la défaite en finale va pas du tout ternir ce qu'ils ont fait cette semaine. Oui, clairement. Après, il ne faut pas non plus tout de suite vouloir que J.K.L. Delru gagne des Super 750, des Super 1000. Je vais pas dire que ça arrivera pas, mais ça peut arriver, mais ça va être quand même très très compliqué quand on voit le niveau en mixte actuel. Maintenant, c'est vrai qu'on attend ce genre de perf un peu plus régulièrement. Et maintenant, voilà, faut dire ce qui est, depuis début 2022, ils sont quand même très très constants dans leur perf. Et il va falloir aller chercher ce statut de tête de série parce que clairement, ça peut protéger et ça passe aussi par ce genre de tournoi. Ouais, alors je suis totalement d'accord. J'y ai pensé aussi avec le fait d'aller chercher le statut de tête de série qu'ils avaient pendant un moment, mais Ouais. c'est très important parce que ils vont pas sortir des exploits au premier tour toutes les semaines et être dans les donc tête de série, il faut être dans les 8 premiers mondiaux. Être dans ce truc, ça va les protéger et en gros, ça va leur donner un voire deux matchs un peu plus tranquilles avant de commencer vraiment. Et du coup, ça fait des points pas gratuits, mais ça fait des points beaucoup plus faciles à aller chercher. Donc ouais, c'est très important. Benoît, on va parler du. Ah, pour finir sur Jekyll Delrue, il rejoue Tangtse Oui. dès le tournoi de la semaine prochaine en Indonésie. Donc j'espère qu'on verra un match encore conforme à celui qu'on a vu pour que les Français battent une nouvelle tête de série dès le premier tour. Dans le reste du tableau de mixte, on va parler très rapidement des deux autres paires françaises qui étaient engagées, puisqu'elles ont toutes les deux perdu dès les qualifications. Fabien Delrue et Vimala Herio qui ont perdu contre la paire japonaise Midorikawa Saito en 3-7, 21-15 au troisième. Et Villejetran qui, eux, avaient peut-être plus de chances de s'extraire des qualifs, mais à la fois ils ont pris une paire assez compliquée à jouer, à savoir les Malaisiens Chung Pek, et c'est pas passé non plus des faits 22-20, 21-18. Benoît, tu veux dire un mot sur un de ces deux matchs? Bah, c'est dommage qu'ils rentrent pas dans les tableaux, mais bon, je pense que c'était clairement en dessous des paires qu'ils ont affrontées, donc pas grand-chose à en retirer. Tout à fait d'accord. Donc Zheng Wang, donc les vainqueurs de ce tableau, qui ont battu plutôt facilement Ko et Eom en quart. Et en demi, par contre, Benoît, gros match contre Seo Chae, les revenants coréens qui n'avaient plus joué ensemble depuis les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils ont pris le premier set contre les Chinois avant de perdre 21-14, 21-12 sur ceux d'après. Et on va peut-être en parler, Benoît, de Seo Chae, parce que, et surtout de leur victoire en quart contre les Chinois Wang Wang, des champions olympiques, en 3-7, 19-21, 21-10, 21-14, parce que j'ai cru comprendre que tu as vu ce match et que les Coréens t'ont fait forte impression. Ah ben clairement, alors voilà, déjà pour clarifier la situation sur le tirage de Jikel Delru, autant vous dire que dans la partie basse, quand il y a Wang Wang, Zheng Wang, Seo Chae, vous pouvez vous dire que si vous n'êtes pas dans cette partie, en vrai, le tirage il est pas si catastrophique. Ouais, Seo Chae, ils ont été impressionnants contre Wang Wang. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé, mais on sait qu'ils sont capables de proposer ça. Et tu me le disais assez justement quand on en parlait, c'est que bah, c'est tout ou rien. Et on espère qu'ils vont trouver un peu de constance parce que quand ils jouent à ce niveau-là, eh ben c'est une paire du top 5 mondial, bien évidemment. Ouais, et je me souviens que, alors, je me mélange un peu dans les années, mais du coup, c'est en 2020 où ils étaient très bons et ils rivalisaient avec des Zheng Wang, des Poivarotto Taratanachai. C'était le moment où Jordan Octavianti était également très bon. Et là, on avait vraiment un top 5 de mixte incroyable. Et on va peut-être le retrouver. Bon, Jordan Octavianti, on va en parler, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça fait plaisir, ouais, de revoir Seo Chae qui avait été séparé parce que ça marchait pas. Et donc finalement, Seo, il a gardé son nouveau partenaire de double homme, mais il a retrouvé son ancienne partenaire de mixte. Et ouais, qu'il puisse battre les champions olympiques comme ça, ça fait plaisir. Et on espère les revoir à un niveau comme ça plus souvent. Même si Benoît, eux aussi, avaient des circonstances extrêmement favorables, puisque leurs adversaires du premier tour ont abandonné à 6-2 dans le premier set, et que leurs adversaires du deuxième tour ont déclaré forfait avant le match. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais, ils avaient joué 8 points, ils avaient joué au total, ils avaient joué ouais, 3 minutes, je crois, avant de rentrer sur le court pour ce quart de finale, même si bon, CO, ils jouent en double homme, donc c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, leur partie de tableau était un peu dégagée au début. Et je suis d'accord avec toi hein, sur ce que t'as dit. C'est vrai que cette partie basse, elle était vraiment infernale. Ouais. Ellie Smith en ont fait les frais aussi en passant pas le deuxième tour contre Ko et Eom, les vétérans coréens. Jordan Octavianti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé le premier tour contre une paire indienne avant de perdre face à leur compatriote Rivaldi Mentari de façon giga décevante au deuxième tour, Honteuse, 21-16, giga 21-16. honteuse même. Ouais, moi je pariais plutôt sur le fait qu'ils se fassent virer du centre d'entraînement national, ça leur mette un coup de boost et qu'ils reviennent, mais finalement là ils sont un peu englués dans une sorte de. Bah en fait c'est devenu une paire de seconde zone quoi, Jordan Octavianti, c'est Carrément, dommage, hein. ouais, c'est clair. Et bah, pour le haut du tableau, rien à signaler, hein, c'est l'attraction principale, c'était la paire française. Pour le reste, pas grand chose d'autre à dire. Benoît, on en a fini avec le mixte ou tu as encore quelque chose à dire? Je pense qu'on peut enchaîner parce que ça fait déjà un gros moment qu'on en parle. C'est vrai, mais en même temps, il n'y aura pas des semaines françaises comme ça tous les jours, donc on a bien fait. On va tout de suite passer au simple homme. I'm the bad guy. Take that. Alors au simple homme, on va repartir avec un fonctionnement plus traditionnel et parler en premier de la finale. Et de Victor Axelsen, je sais pas si tu connais Benoît, qui a encore fait une sacrée semaine. Il a notamment battu Xu Tianchen en finale, 21-10, 21-12. Est-ce que tu veux dire un mot de cette finale qui n'a, j'ai envie de dire, pas vraiment eu lieu, comme tous les matchs d'Axelsen cette semaine où il n'y a jamais eu match. Il n'a pas perdu un set, il n'a jamais pris plus de 15 points dans un seul set. Il était vraiment trop fort pour tout le monde. Ouais, ben c'est ce Axelsen-là pardon, qu'on a envie de voir forcément, parce qu'on sait qu'il est capable de ça. Franchement, je vais faire un global pour sa semaine. Je pense qu'il n'y a pas de ouf à dire sur un match, même si probablement contre Ginting il a eu le plus de fil à retordre, j'ai envie de te dire. Mais Xu Tianchen en finale, il a compris très très vite qu'il n'y avait pas moyen. Et Xu Tianchen, il était à l'économie. Enfin, il suffit de regarder quelques passages. Alors soit à l'agonie physique, soit à l'économie, je sais pas, on verra. On sait jamais ça. Avec lui. Mais hein. ça aurait pas changé grand chose. Clairement, tout va trop vite avec Victor Axelsen à ce niveau-là et franchement c'est trop fort. Mais de toute façon, Xu Tianchen, il a tellement pas le style de jeu pour battre Axelsen. Je crois qu'il perdait 14-2, ça doit faire 15-2 maintenant dans les confrontations. Ouais. Et ouais, non, c'est clairement pas le genre de mec qui peut battre Axelsen, je pense, à moins d'une vraiment grosse baisse physique du Danois, mais ça n'arrive pour ainsi dire jamais. Après, il avait joué 3 gros matchs quand même à sa décharge, mais... Parlons de lui maintenant, parce que finalement Xu Tianchen, il fait pas énormément de perfs en ce moment, mais c'est vrai que là il a enchaîné les gros matchs. Ouais. Notamment deuxième tour contre Li Chuqiu, il gagne en plus d'une heure au troisième. Après il bat surtout Lak Xiasen, pareil, plus d'une heure au troisième. Match assez décevant, j'ai trouvé, mais à mettre au crédit de Xu Tianchen. Et en demi-finale, Lo Qingyu, le champion du monde, 21-19. Plus d'une heure, victoire de Xu Tianchen au troisième. On l'a revu quand même, on parlait de sa finale où je l'ai dit, il n'a pas le style pour battre Axelsen, mais il fait quand même une très grosse semaine. Ouais. Oui, c'est clair, il faut signaler qu'il a été très fort. Je pense que aussi, voilà, en disant ça, on peut aussi comprendre qu'en finale, il était un peu fatigué. Maintenant, Xu Tianchen qui va en finale d'un tournoi comme ça, c'est ce qu'on attend. On ne lui demande pas forcément de le gagner, mais voilà, c'est... Ouais, c'est globalement là où on l'attend, moi, je crois. Mais tu vois, justement, je pense que Xu Tianchen, il est très bon pour jouer contre des mecs comme Lak Xiasen ou Lo Qingyu, des mecs, tu vois, très rapides, un peu en mode... un peu en mode Fast and Furious, où Xu Tianchen, il a un bon jeu pour contrer ce genre de mec, tu vois. Alors que contre Axelsen, pour le coup, il a pas les armes, puisqu'il est dominé dans à peu près tous les compartiments. Et je vois pas trop ce qu'il veut faire. Ouais, après, c'est pareil, encore une fois, c'est pas pour le défendre, mais... Quand tu vois ce que Axelsen met à tout le monde, tu te dis que le seul qui a les armes, le seul qui a eu les armes, en tout cas pour battre cet Axelsen-là, c'est Momota, et on sait à quel point il est plus au même niveau. Donc forcément, j'ai du mal à voir ce qu'il faut faire pour battre Axelsen. Pas sur un one-shot, mais tu vois, avoir les armes pour le battre régulièrement, quoi. Très, très clairement. Parlons des deux Français qui étaient dans ce tableau. Thomas Junior Popov, 26e joueur mondial, qui, bah, lui, n'a pas trop vu le jour face à Lo Qingyu au premier tour. Alors, Lo Qingyu, il avait peut-être pas son niveau qu'il avait quand il a été champion du monde il y a quelques mois, mais il avait un niveau très intéressant. Faut voir ce qu'il met après avoir Doyo et Lu Guangzhou. Mais Thomas Junior Popov qui perd 21-14, 21-13, il a pas pu faire grand-chose, notre Français. Ouais, c'est très problématique ce genre de joueur pour Thomas Junior Popov. Surtout que Lo Qingyu, on en parlait en off, mais même si tu l'as dit, il a pas son niveau de champion du monde, peut-être, parce qu'il a fait une semaine où il était hors du temps. Mais il fait quand même. Est-ce qu'il l'aura encore un jour, ce niveau-là? On n'est même pas sûr. Non, ouais, c'est exactement ça. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est un mec qui va encore chercher une demi. Ça se stabilise parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Et je pense que Thomas Junior Popov, face à ces profils-là, a pas encore les solutions dans le jeu pour faire mieux que ce qu'il a fait, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Brice Leverdez, qui est finalement toujours là, repêché, qui jouait contre Rasmus Gamke, le Danois, et défaite 21-19, 21-17. Défaite un peu frustrante, hein, parce que Brice Leverdez a beaucoup mené dans le premier. Il menait notamment un 16-12, et Il menait aussi au début du deuxième. C'est quand même assez rare de voir Brice Leverdez perdre des sets où il mène, je trouve. En tout cas, j'en ai pas trop en mémoire. Et même si ça avait été au troisième, tu vois, il aurait peut-être pas eu la caisse, mais c'est dommage parce que... Et ces derniers temps, c'est un peu toujours ça, Brice Leverdez. Hein. On se dit qu'il est un peu fini parce que il est maintenant assez vieux pour un joueur de simple. Et au final, à chaque fois, il accroche toujours des top 10-15 mondiaux, mais il arrive très peu à gagner, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a autre chose de vrai. Tu l'avais bien souligné dans un autre épisode, c'est qu'aujourd'hui, Brice Leverdez ne perd plus contre des joueurs moins forts. Enfin, ou en tout cas, il perd quasiment plus contre des joueurs moins forts. Et on sent qu'il arrive à jouer son meilleur badminton, même contre les meilleurs. Et ce qui manque, c'est clairement la caisse. En fait, tu te dis que si il avait pu jouer comme ça il y a quelques années, Brice Leverdez, je pense qu'il aurait été plus dangereux. Et ça n'aurait pas été seulement le Giant Killer. C'est un peu ce que je regrette, parce que quand on le voit là jouer contre les meilleurs sur les derniers tournois, on se dit, punaise, si Brice Leverdez il n'avait pas 35 ans, en vrai, il y a quand même encore quelque chose. Ouais, mais Benoît, moi, l'impression que j'ai en voyant jouer sur ces derniers tournois-là, c'est que j'ai l'impression de voir un mec beaucoup plus libéré qu'avant, ouais, tu vois. Maintenant qu'il est plus le meilleur français, qu'il y a la jeune génération avec les Popov, Merkley, Alex Lanier qui attire un peu toute la lumière, lui, il joue vraiment en mode un peu baroud d'honneur, quoi. Il sait que des tournois, il va plus en faire 1000. Et on a l'impression de voir un mec beaucoup plus libéré sur le terrain qu'avant. Je sais pas ce que t'en penses. Bah si, c'est totalement dans ce sens-là, en tout cas, que je le vois et que je le disais, c'est que voilà, il produit ce qu'il est capable de produire de mieux à l'instant T, en fait. Et je pense que avant, ce niveau de bad là qu'il produit là, il l'avait déjà, mais parfois la pression, la tension, et il n'était pas forcément capable de le produire, alors que je pense qu'il y a 3-4 ans, il avait une bien meilleure caisse qu'aujourd'hui, c'est assez évident. Pour les autres, on a parlé de la bonne semaine de Xu Qianshen. Un mec qui a fait une bonne semaine aussi, c'est Anthony Ginting. Alors lui, on l'attendait pas vraiment à ce niveau, puisque ces derniers temps, il a été, j'ai envie de dire, catastrophique. Et ce serait pas vraiment insultant, puisque je pense que c'est le cas. Il avait un tirage très compliqué. Il bat Vititsar au premier tour, 21-18 au troisième. Ensuite, Tamasin, un autre Thaïlandais. Lizidja en quart, gros match aussi, où il gagne au troisième. Et derrière, il est, t'as raison, celui qui a le plus embêté Axelsen. Donc, avec la forme très fluctuante d'Anthony Ginting, c'est compliqué de se projeter. Mais en tout cas, je pense que mentalement, ça va lui faire beaucoup de bien. Oui, clairement, je pense que nous, on prend. Et lui aussi, moi, c'est surtout la victoire contre Lizidja que je retiens plus que les autres. Je pense qu'elle va lui faire du bien. On verra ce qu'on peut en dire la semaine prochaine. Mais effectivement, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle pour lui. Alors que moi, quand j'ai vu le tableau, son parcours, pour moi, il allait s'arrêter dès le premier tour contre Vititsarn, vu la forme des deux mecs du moment. Clairement. Mais comme quoi, c'est toujours très, très incertain, surtout avec un joueur comme lui. Alors que Jonathan Christie, son compatriote, lui, n'a pas passé le premier tour. Il a perdu contre le Chinois Zhao Zhongpeng. Et je ne l'ai pas précisé, mais Anton Sen, qui devait à la base être tête de série 2 du tableau, n'a finalement pas joué. Il sera là la semaine prochaine pour le Super 1000 Indonesian Open. Benoît, quelque chose à rajouter dans ce tableau où j'ai vu que Guy Clark l'avait dit sur Twitter, c'était la troisième fois seulement qu'il y avait 8 nationalités représentées en quart de finale. Ça, c'était assez intéressant sur le circuit World Tour. Donc, un tour où les seconds couteaux, Anton Sen, Christy, ont pas été très loin, ou alors n'ont pas joué du tout. Ouais, non, on peut passer au simple dames. C'était la seule stat sur laquelle je voulais revenir. Eh bien, parfait. On passe donc au simple dames. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Benoît, c'est marrant puisque Axelsen menait 14-2 en finale avant la finale contre Xu Qianshen. Et ben c'était la même chose pour Chen Yufei contre Ratchanok Intanon. Et l'issue a été la même en simple homme, c'est-à-dire que le ou la joueuse qui menait aux confrontations a encore agrandi l'écart. Mais ça n'a pas du tout été aussi facile que pour Axelsen puisque Chen Yufei s'est imposé contre Intanon 21-16, 18-21, 21-15. Qu'est-ce que tu penses de ce beau match? J'ai envie de dire, et c'est peut-être pas très compliqué, mais la meilleure des finales, quoi. La meilleure des finales, pas très compliqué non plus. Je suis assez d'accord. Ça a été un vrai bon match. Ratchanok Intanon a clairement craqué sur la fin du troisième parce que je pense qu'elle avait les armes pour battre Chen Yufei. En tout cas, le badminton pour ce jour-là. Il a manqué un peu de physique, mais on sait que c'est son péché mignon. C'est que c'est difficile de terminer des semaines pour Ratchanok Intanon. À sa décharge, elle a quand même joué d'énormes matchs dans la semaine, mais Ouais, un peu déçu parce que là, pour moi, sur ce match-là, la meilleure joueuse sur le terrain, c'était elle, sauf qu'en face, Chen Yufei, bah, physiquement, c'est quand même très très solide et on sait qu'elle gagne beaucoup de matchs finalement au finish et que même les jours où ça va moins bien, bah, ça peut quand même passer. Ouais, je suis assez d'accord, il y avait une sorte de... C'était un peu inexorable, on avait l'impression, cette Ouais. victoire de Chen Yufei, alors que je suis d'accord, elle n'était pas forcément la meilleure sur le terrain. On va peut-être en reparler, mais Intanon, elle fait une très bonne semaine. Moi, je trouve qu'elle revient à un niveau intéressant en ce moment. On sait qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de problèmes physiques, mais notamment sa victoire contre Han Yue en demi et sa démonstration contre Sindhu en quart, c'était pas forcément attendu, en tout cas pas de moi. Mais c'est vrai que là, on a senti qu'il y avait encore la petite marche qu'elle n'arrivait pas à passer contre une joueuse contre qui elle galère depuis très longtemps, en témoignent les 14 défaites, maintenant 15. C'est pas passé, c'est assez dommage. Pas de française dans ce tableau, donc on va rester sur les favorites. Benoît, le tableau qui s'est pas mal ouvert avec l'abandon de Dan Se-young dès son deuxième match contre Iris Wang. Oui, ben clairement. Après, Iris Wang était quand même très très forte ce jour-là, très très forte toute la semaine. Mais oui, effectivement, l'abandon d'Anse Young a quand même pas mal changé la donne dans cette partie basse. J'ai pas vraiment vu ce qu'elle avait, mais Han Se-young, je pense qu'elle doit être sacrément Ouais. embêtée physiquement pour abandonner, parce que ça a pas l'air d'être le genre à lâcher des matchs gratos. Mais avec le Super 1000 qui arrive la semaine prochaine, c'est vrai que les staffs, en tout cas, ont peut-être plus cet objectif en tête. Han Yue qui a sorti Iris Wang, du coup, qui c'est vrai, jouait à un bon niveau cette semaine, et Pan Pawi Shoshumong aussi dès le deuxième tour. Juste au-dessus, PV Sindhu qui a galéré contre Christoffersen et ensuite contre Toon Young, bah, c'est pas passé contre Intanon. Et Bing Jiao a perdu en demi contre sa compatriote Chen Yufei, elle qui avait gagné leurs deux dernières confrontations, il me semble. Et tout en haut dans le tableau, c'est Michelle Li qui a la tête de série, qui n'a pas passé le premier tour contre Hong Bang Gongfan. Tai Tsuying n'était pas là, Carolina Marin n'était pas là, mais Yamaguchi non plus. Mais on retrouvera ces trois joueuses. J'ai un doute pour Yamaguchi, mais en tout cas Tai Tsuying et Intanon seront Tai Tsuying et Marin, pardon, seront bien présentes à l'Indonesian Open. Et Benoît, un peu pour un mot une des chouchoutes de ce podcast, Kirsty Gilmour, qui malheureusement perd contre Intanon au deuxième tour, mais qui fait un gros match pour sortir Zhang Yiman dès le premier tour en 3-7. Ouais, clairement, elle fait deux très bons matchs malgré la défaite contre Ratchanok Intanon. C'est vrai que tu l'as dit, le tableau était un tout petit peu en deçà des autres en termes de niveau, peut-être parce que pas de japonaise, enfin en tout cas pas de Yamaguchi, pas d'Okuhara, pas de Tai Tsuying, pas de Carolina Marin. Carolina Marin, je serais moins catégorique parce que pour le coup, les trois qu'on vient de citer n'étaient pas inscrites. Carolina Marin l'était et elle a déclaré forfait. Alors, à voir si elle jouera bien en Indonésie la semaine prochaine. Mais en tout cas, on espère forcément la revoir, oui, ça c'est sûr. Ouais, ben je pense qu'elle sera là, hein, parce que j'ai été regarder un peu du coup sur ces réseaux sociaux, et elle dit pas vraiment de Ok. précision, mais elle dit qu'en gros c'est un... Je sais plus ce qu'elle dit, mais en gros elle dit training program, tu vois. Donc je pense D'accord. qu'elle a préféré arriver plus forte pour le deuxième et sacrifier le premier, mais je pense qu'elle sera là. Après, à quel niveau? C'est ça, on verra. Elle a été championne d'Europe, mais est-ce que ça suffira pour battre les toutes meilleures? Ça, c'est pas dit. On va tout de suite passer au double homme. Look at this, look at that. Benoît, le double homme qui a été remporté par j'allais dire les idoles maison. Non, parce que les chouchous, je pense que c'est plus Gideon Tsukamolio, mais on va voir, eux n'ont pas vraiment été au niveau. Par contre, Alfian Ardianto, eux, ont été au niveau, et notamment au final où ils ont été très autoritaires pour s'offrir les Chinois Liang Wang, 21-10, 21-17. Ils étaient menés dans le deuxième set, en plus les Indonésiens, mais finalement une victoire assez logique en finale. Oui, une victoire assez logique en finale. Ça a été un vrai match quand même, contrairement au score. Les très jeunes Chinois, on se disait avant le début de la semaine qu'on les connaissait pas du tout. C'est leur premier tournoi ensemble, ils ont 20 et 21 ans. Enfin, il y a des médailles mondiales juniors à tout va. C'est une paire qui sera sympa à suivre, ça c'est sûr. Mais effectivement, la semaine avait été un peu longue pour eux et Alfian Ardianto. J'ai pas envie de parler de renaissance parce qu'ils avaient déjà gagné un tournoi cette année en Suisse. Mais en tout cas, ça va leur faire du bien parce que franchement, en termes de perf, ces dernières semaines, on était... C'était pas ouf. Et en plus de ça, encore une stat de Guy Clark qu'on va vous donner, mais Alfian Ardianto, c'est la seule paire de double homme en 2022 qui a remporté deux tournois sur le World Tour. Ouais, et justement, haute stat, ouais, c'est ça. Si les Chinois avaient gagné, ça aurait été la neuvième paire différente à remporter un tournoi. Là, du coup, vu que les Indonésiens gagnent, ils sont le premier à faire un doublé. Avec la Suisse, tu l'as dit. Ils avaient aussi abandonné en finale en Thaïlande parce qu'ils n'avaient pas pu jouer à cause des problèmes de dos de Alfian. Donc, ouais, moi, je trouve que pas vraiment pas mal, Alfian Ardianto. Moi, tu vois, pour moi, Alfian Ardianto, c'était un peu comme Chiasso, les Malaisiens, tu vois. Père souvent bien placé, mais très peu souvent vainqueur à la fin. Et là, eh ben, il commence à me faire mentir, puisque après un super 300, c'est un super 500 à la maison qu'il gagne. Alors, c'était Alfian Ardianto contre Liang Wang, une paire chinoise inconnue. C'était peut-être pas la finale rêvée, mais pour rester sur les Indonésiens, ils méritent complètement. Hein. Oui, oui. Golo, les Malaisiens au premier tour, leur compatriote Kusama Wardana Rambitan au deuxième, les champions olympiques Li Wang en quart et la paire chinoise Ezou en demi. Tout ça en perdant un seul set cette semaine. Franchement, ouais, grosse semaine de leur part. C'est pas forcément le tableau qui s'est ouvert devant eux, mais c'est eux qui ont battu pas mal de grosses paires aussi. Oui, c'est clair. Ils l'ont pas du tout volé et ils ont même été en fait quasiment taille patron parce que tu l'as dit, un seul set perdu, mais la manière finalement, c'est que ils vont au bout en étant archi propres dans ce tableau. Alors oui, Ezou et Kang Seo qui sortent Astrup Rasmussen respectivement et Hassan Setiawan, ça leur a ouvert le tableau, mais encore fallait-il battre Ezou aussi facilement, enfin en tout cas aussi proprement, et battre Li Wang de cette façon là c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais, on peut en parler un peu. C'est vrai que Hassan Setiawan, qu'est-ce que t'en as pensé en fait contre Kang Seo? Moi je m'étais dit bon, ils vont prendre vraiment cher. Au final ils perdent, mais ils perdent vraiment à pas grand chose, donc on voit qu'il y a encore un peu quelque chose, même si c'est compliqué. Et je pense qu'ils sont toujours largement meilleurs, Hassan Setiawan, en début de semaine que quand ils ont des matchs dans les jambes. On sait jamais trop à quoi s'attendre, quoi. Bah écoute, j'ai pensé la même chose que toi, hein. Aujourd'hui je pensais qu'ils arrivaient plus à rivaliser avec ces paires là mais effectivement, ils ont réussi. Maintenant, si ce match-là avait eu lieu en demi-finale, ça aurait peut-être été 12-12. Je sais plus trop quoi attendre à San Setiawan. Ils profitent encore de leur classement des dernières années, des points acquis, mais je sais plus si vraiment ils vont arriver à réaliser une énorme perf. Voilà. Est-ce qu'ils auront encore l'envie de continuer à jouer quand le classement sera revenu à la normale et que je pense qu'ils ne seront plus tête de série 2? Je ne sais pas. En même temps, ça veut pas dire grand chose vu que là t'es tête de série 2, mais au deuxième tour tu prends une paire contre Kang Seo qui a largement un niveau de top 10, je clairement, pense. Ouais. Parlons des deux paires françaises, une tout en haut, une tout en bas du tableau. On va commencer par les frères Popov qui prennent au premier tour Gideon Sukamulyo, les Indonésiens. Bon bah pour le coup, malheureusement pas grand chose à faire pour nos Français qui ont été qui perdent 21-16, 21-19, où en fait ils sont toujours pas trop loin mais jamais devant. Ils ont pas mené une seule fois ils ont pas mené une seule fois du match, et c'est assez compliqué. Ouais, après c'était le match de retour de Gideon, mais faut remettre, ok ils prennent 16-19, mais match de retour de Gideon, match tranquille, c'est malheureux à dire, mais ils le savent, les Indonésiens qui vont passer, qu'il y a très peu de chances de perdre contre les Popov. Il y a de bonnes choses, certes, mais faut pas prendre le score pour argent comptant, quoi. Le score aussi assez impressionnant de Delruvilleger, l'autre paire française qui a pris les Danois Astrup Rasmussen au premier tour et qui perd 22-20, 21-4. Benoît, est-ce que je m'avance un peu en disant que le premier set était de meilleure facture pour les Français? Ah, c'est sûr, hein. Je suis pas bon en maths, hein, mais ils ont marqué 5 fois plus de points. Exactement. Non, mais c'est... Alors, pour le coup, je vais rien dire parce que j'ai pas vu le match, mais c'est assez terrible de prendre ça, quand même. C'est dur, surtout que j'ai plus les scores en tête de leurs précédents affrontements, mais ils avaient été... Non, il n'y a pas eu de précédents affrontements. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Mais c'est quand même Delruvilleger, une paire qui, pour moi, est capable, je sais pas, de battre Astrup Rasmussen, c'est un autre débat, mais de rivaliser comme ils l'ont fait dans le premier. Et c'est rare que Delruvilleger prenne de telles claques, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Même si, bon, Astrup Rasmussen, en ce moment, ils sont pas mauvais. Hein, oui. Mais oui, ça n'excuse pas non plus le fait de prendre 21-4. Benoît, Gideon Sukamulyo, on va revenir sur eux parce que J'ai cru comprendre que tu avais très peu apprécié leur performance en demi-finale, donc contre les jeunes Chinois dont on parlait tout à l'heure, Liang Wang. Alors déjà, ils s'étaient fait peur contre Jomko Kedren, contre Go Izudin, même chose. Les deux fois, ils sont passés 21-18 au troisième. Par contre, contre les Chinois, ils sont complètement troués, défaite 21-17, 21-10. Alors, ils sont pas revenus à la compétition depuis longtemps, mais j'ai l'impression que toi, tu es assez sévère sur... cette défaite des Indonésiens. Je suis assez sévère dans le sens où c'est toujours pareil. Ok, oui, je l'ai dit pour les pop-off, Gideon, il revient de blessure, ça, c'est un fait, il n'y a rien à enlever, il a repris l'entraînement il y a 2 semaines. On a bien compris que physiquement, il ne rentrait plus dans du M, le bon vieux Gideon, clairement. Mais ça va revenir. Mais c'est juste la façon d'être. Et c'est pas forcément lui, hein, c'est Sukamulio aussi, à 17 partout dans le premier. Ils ont décidé que c'était terminé, ils avaient plus envie, ils ont arrêté de jouer. C'est plus ça que je regrette, parce que par exemple, tu vois, Alfian, quand il se blesse en finale en Thaïlande, bah, on a bien compris qu'il était blessé, mais le mec, il a tout tenté, tu vois, et limite, il était là en boitant sur le terrain, il essayait, ils finissent par abandonner, mais c'est quand même propre à eux, cette attitude moyenne, voire parfois honteuse, tu vois. Moi, c'est plus ça, parce que je sais qu'ils reviennent de blessure et tout, le niveau, il va revenir. Mais c'est plus pourquoi ils ont décidé d'arrêter de jouer à 17-17 dans le premier, tu vois, le match n'était pas encore fini. Mais surtout qu'ils jouent beaucoup par intermittence, hein, oui. Quand tu vois, ils battent Jomko Kedren, mais ils perdent un 7-21-8, ils battent Go Izudin, mais ils perdent un 7-21-10, là je pense qu'ils pensaient pouvoir faire la diff dans le deuxième et le troisième comme ils l'ont déjà fait, tu vois, sauf que là ça n'a pas marché, et ça... J'ai envie de dire, ils le faisaient toujours, même quand ils gagnaient plus de titres, jouaient un peu par intermittence, mais là, ça s'est accentué ces derniers temps quand même, et le fait que Gideon, je suis d'accord avec toi, n'ait pas le physique qu'il faut pour l'instant, vu que c'est lui qui est obligé de remettre son partenaire sur les rails, qui lui, des fois, n'a plus envie de jouer, quand Gideon n'a pas le physique pour compenser, bah, ça marche pas. Ouais, mais c'est clairement ça, c'est que, enfin, voilà, c'est... Oui, ça va revenir, le physique de Gideon, je suis d'accord, mais l'attitude, je sais pas si le mental reviendra, quoi. Ouais. Mais Liang Wang, du coup, les finalistes qui les ont battus, ils font quand même une semaine de ouf, hein, puisqu'ils les battent. Donc eux, ils battent Chiasso au tour d'avant, ils battent leur compatriote Liu Hu au tour d'encore avant, 21-17, 21-13, et ils étaient sortis des qualifs. Donc grosse semaine de leur part. Pendant ce temps-là, Chiasso ne profite toujours pas d'avoir des tableaux un peu dégagés. Et eux, je continue à penser que c'est une paire qui va jamais arriver à gagner quoi que ce soit. Je me doute bien. Tu commences à avoir raison quand même. Tu vas voir, ils vont gagner le Super 1000 la semaine prochaine pour me donner tort, mais je trouve ça assez décevant. Ouais. Benoît, on arrête le double homme ou alors tu veux rajouter quelque chose ? Non, écoute, je pense qu'on peut en a bien parlé encore une fois, on peut passer au tableau. Ok, non, je voulais savoir si tu avais un petit truc à dire sur Lane Vendy, mais visiblement, t'as décidé de les laisser un peu tranquilles. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça gagne plus un match, hein, de toute façon, voilà, c'est... Ouais, bon là contre Carnondo Martin, c'est pas forcément scandaleux. Non, je suis d'accord, ils sont un peu, finalement, on les a taillés et tout, mais la vérité c'est qu'ils sont à leur niveau, tu vois. Allez, on passe au dernier tableau, le double dame. Oh my god, it's... Le double dame, là aussi finale assez décevante, victoire de Chen Jia, les chinoises numéro 1 mondiale contre la paire indonésienne Rahayu Ramadanti, qui me semble faisait son premier tournoi au niveau World Tour ensemble. Rahayu qui est championne olympique, là il y avait 3 oui. des 4 joueuses qui avaient en finale des JO. Benoît, sur le match, on a senti que déjà, je pense que Rahayu Ramadanti, elles sortent d'une semaine assez dingue, que moi j'avais personnellement pas vu venir, elles ont maximisé tout ce qu'elles pouvaient, mais là c'était trop court contre des chinoises qui... ont déçu à l'Uber Cup et au tournoi d'après, je crois que c'était en Thaïlande, mais qui là ont remis un peu les pendules à l'heure. Ouais, c'est clairement ça. Elle venait de gagner les Jeux d'Asie du Sud-Est, quand même. Rahayu Ramadanti. Oui, Rahayu Ramadanti. Ouais, voilà, mais effectivement, premier tournoi sur le World Tour. Elles ont remis les pendules à l'heure et finalement, moi je les ai trouvées quand même globalement. Au-dessus, tu vois, enfin trop constante en tout cas, en face il y a eu des éclairs, mais sur l'ensemble du match, pas photo et pas du tout scandale à ce que Chen Jia aille chercher ce titre. Voilà, même si, bon, pour le coup, Chen Jia, on sait qu'elles sont trop fortes, mais c'est pas sur cette semaine que ça s'est vu, oui, oui. Puisqu'elles ont joué que 2 dettes de série, les 7 et 8, Et même si elles ont joué des bonnes paires, bah, elles n'ont pas perdu de set et elles ont globalement été très très peu inquiétées. On va parler de la paire française qui était dans ce tableau avant de reparler des favorites. Margot Lambert et Anne Tran qui se sont arrêtées dès le premier tour contre Tan Tina, les Malaisiennes, 21-13, 21-18. Pour le coup, Benoît, je ne serai pas trop sévère avec les Français puisque Tan Tina, on en parlait dans un de nos derniers épisodes, ça devient très très sérieux. Ça devient très très sérieux et elles n'ont pas fait un si mauvais match que ça. Mais ouais, Tan Tina, c'est en train de... Bah, de toute façon, je trouve que leur statut de tête de série 6 correspond à peu près à ce qu'elles valent en termes de classement parce que là, elles sont que 11e. Mais en vrai, je pense quand même que ça va rentrer dans le top 10 mondial et que ouais, ça progresse très très vite. Ouais, les Françaises qui étaient devant au premier, ouais. Au deuxième set, pardon, mais malheureusement, elles n'ont pas pu amener ça au troisième. Li Xin qui ont été bah, du coup assez décevantes puisque elles s'inclinent dès le troisième tour contre les futurs finalistes Rayu Ramadanti. Kim Kong, l'autre paire coréenne, était absente. Donc Benoît, de quoi tu veux parler de ce tableau de double dame où honnêtement bah, il manquait quand même pas mal de paires, les japonaises ouais, voilà. n'étaient pas là et du coup bah ça tire pas mal le tableau vers le bas quoi. Ouais, je voulais revenir là-dessus, t'as dit les japonaises mais bah, Kim Kong mémoire n'était pas là non plus. Effectivement, je vérifie quand même, pas dire une connerie parce qu'on en dit quand même pas mal, mais Kim Kong pas là, Li Xin décevante, les japonaises pas là, sur un tableau de double dame, faut dire la vérité, c'est que t'enlèves 5 des meilleures paires du monde clairement, donc c'était un peu en dessous des autres tableaux, pareil, mais bah, finalement, les meilleures paires, je trouve, se sont retrouvées en demi. On parle de Tantina, tu l'as dit, mais Chenjia et les Indonésiennes aussi. Je ne sais pas s'il y a vraiment des choses à tirer ici. On peut peut-être parler d'Estoeva, tu veux en dire un mot? Ah bah j'allais en parler justement, okay. C'est ça que je voulais dire. C'est dommage parce que là tu dis qu'elles avaient vu leur partie de tableau, elles sont avec trois paires indonésiennes, mais le truc c'est que c'est toujours très compliqué parce qu'elles perdent contre deux joueuses de 22 ans qu'on ne connaît pas. Mais c'est dommage parce qu'elles avaient vraiment quelque chose à faire, il y avait une place en demi à aller chercher et je pense que ça aurait été une place en demi, ça aurait été dans la lignée de leur début d'année 2022 qui était pour le coup très bon quoi. Donc là c'est dommage, c'est un petit coup d'arrêt quoi. Ouais, après voilà, ça arrive aussi, enfin ça arrive, elles vont pas faire demi tous les week-ends. Sugierto, on l'a pas dit hein, mais c'est l'ancienne partenaire de Ramadanti, il y a des médailles juniors sur des mondiaux, enfin c'est pas des touristes, on les connaît peu parce que c'est leur premier tournoi ensemble pareil, mais c'est des paires qui, on sait si elles continuent à jouer sur le circuit, ça va rentrer dans le top 15 mondial je pense. Voilà. Benoît, bah on a fini du coup ce tableau de double dame et globalement, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le tournoi ? Ben voilà, on l'a dit, les Japonais, on l'a pas précisé en simple homme, mais ils étaient pas là non plus. Leur absence, c'est quand même un peu décevant parce que, enfin, pour la qualité du tournoi, parce que le public est tel qu'on a envie qu'il y ait les meilleurs joueurs. Mais vous inquiétez pas, si c'est le petit mot de la fin, ce sera le cas normalement sur le Super 1000 l'année, voilà. Même cette semaine maintenant en Indonésie. Ouais, pareil pour Watanabe Higashino, oui. Le Japon n'était pas venu. Oui. J'ai oublié, j'y pense, tant que j'ai dit, on parlait des Français, que Christophe Popov était là, mais il s'est arrêté en qualif, j'ai oublié d'en parler quand on parlait du simple homme. Et voilà, je pense que c'est un bon mot de la fin, Benoît, de dire que si vous avez aimé ce qui s'est passé cette semaine, et ben là, on va avoir la même chose, mais en mieux. Puisque là pour le coup il y aura quasiment tout le monde hein, sur cet Indonesian Open Super 1000, donc un des trois plus gros tournois de l'année avec le China Open et le All England qui a déjà eu lieu, donc je ne peux que vous conseiller de regarder à peu près tous les matchs qui passeront et qui seront disponibles cette semaine parce que ça va être incroyable. Et Benoît, notre débrief, j'espère, sera à la hauteur. Ce sera la semaine prochaine, le lundi 20 juin. Benoît, merci d'avoir participé à cet épisode. Ben, merci à toi, Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Je l'ai dit, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement, pour le débrief de l'Indonesian Open. Et puis après, il y aura une petite tournée en Malaisie. Et globalement, fin juin et juillet, il y a beaucoup de gros tournois. Donc, pas de vacances pour les badistes et pas de vacances pour 21 Shuttle. J'espère que vous serez là pour écouter tout ça. Et si c'est le cas, on vous en remercie. Portez-vous bien. À lundi prochain. 寂静的街头，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中，绝不等候。是否在经历这平凡的事？